Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 6th February 2020. Today you can hear Sweet Soul Music by Dr. Groove Gang. La soul, pour moi, elle incarne l'essence même de cet art. C'est l'expression originelle et authentique des sentiments humains. C'est ce que j'ai toujours aimé dans la soul. C'est pour cette sincérité qu'on y retrouve. Une expérience qui ébranle les âmes. I gotta give it up, baby. I'm on my way. I wanna give you something so special, baby. Sweetie, I got soul in my brain. I got soul deep inside of me, oh baby. Sweet soul music, funky music. So let's get it on, baby. Like Marvin said, time to live a nice and special the moment. Sweet soul music makes me feel so good. Life is a mix of happiness and pain. After the rain, the sun will shine again. When time's getting harder, you gotta be stronger. We can do a greater deal together, babe. Sweet soul music, la musique de l'âme. Funky music, it touches through the loud. So let's stay together. The train is coming. You don't need no ticket. Music is all there. Sweet soul music makes me feel so good inside. Sweet soul music, so good inside. Sweet soul music makes me feel so good. Got a Dr. Groove Gang, yes. Carlo, Soul Snowman, Dr. Brown. C'est comme une vague de fraîcheur, un battement de cœur. Une mélodie soyeuse, essuyant les larmes de ce monde en pleurs. Un hymne à la vie, ramenant à l'essentiel, aux valeurs. À l'heure où beaucoup se perdent, des épines plantées dans le cœur. La soul ne se trompe pas, agit sans effort. Allant chercher au fond de nos âmes le chagrin qui nous dévore. Construit son parcours des chines, j'ai le feeling comme Marvin. M'élève au son de la voix de Mr. Al Green. L'orage cesse, sensation magique de l'instant. Dès l'instant où l'on vit pleinement le moment présent. Tout s'éclaire, planant sur les gammes, je deviens translucide. Marche vers la lumière, esquivant le vide. Sentiment de bien-être, je donne de l'amour, laisse parler mes sens pour que ça irradie autour. Sweet soul music, bouge si t'apprécies, inspire à fond, souffle, ressens cette énergie. Sweet soul music makes me feel so good inside. Sweet soul music, so good inside. Sweet soul music, sweet sweet soul, sweet and sweet and sweet and sweet and sweet. Dr. Groove Gang au contrôle. That was Sweet Soul Music by Dr. Groove Gang. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net/daily/2020-0206. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week. Weekly show which is available from cchits.net/weekly. The theme is an excerpt